BFM Business, Goût de Luxe, Emmanuel Rubin, Karine Verniolle. Bonjour, ravi de vous retrouver pour de nouvelles heures de goût et de luxe. Deux émissions en une cette semaine. Un petit détour par Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Et puis les coulisses de la haute couture à moins d'un mois des défilés. Une émission avec l'accent donc, et toujours en compagnie d'Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux, critique gastronomique et mon alter ego du week-end sur BFM Business. Oui, la chronique plus courte qu'une... partie de belote. Car si Marseille n'avait pas hérité de ce défi autant que de ce titre de capitale européenne de la culture, aurait-on pensé à l'inviter dans nos goûts de luxe? Peut-être pas. Pas spontanément, en tout cas, comme disent les hésitants. Et même si bien souvent, nous sommes allés voir là-bas, ailleurs, plus loin, du côté de ces villes inattendues, si une certaine idée du style y était soluble, avec Marseille, pas certain, encore une fois, qu'on s'y serait frotté. Une heure durant, vous allez comprendre, et pour certains, vous le saviez déjà, que nous aurions eu tort, pourtant, de nous priver. Et pas tant parce qu'aujourd'hui, au prétexte de ce grand événement, la cité phocéenne se refait une beauté, éclaircit ses façades, élargit son vieux port, lâche une énergie que l'on n'attendait pas, et là où on ne l'attendait peut-être plus, non, en vérité, nous aurions eu tort de ne pas la fréquenter parce que justement Marseille est riche de tous ses paradoxes. Oui, elle charrie encore son image interlope, sa grande gueule, son petit côté louloute, sa tchatche, ses pastis, ses embrouilles. Mais la voilà désormais aussi d'une autre étoffe face au reste du monde, ouverte comme les cités de la mer, frontale, chic, choc, l'une et l'autre, bourgeoise et populaire, sombre et solaire, une ville, une vraie, dans toute la force de ses contradictions. Et c'est peut-être un atout aujourd'hui que de ne pas verser ainsi dans l'uniforme et l'univoque. Marseille en est riche, jamais la même, toujours recommencée, un peu comme les vagues de cette mer qui lui offre et nous offre le plus luxueux des quartiers de la planète. Deux émissions en une donc cette semaine. Dans la première heure, direction Marseille, capitale européenne de la culture, qui vient d'ouvrir les portes du MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Notre guide, Marion Cressman, auteur de Les meilleurs restos de Marseille aux éditions Les Beaux Jours et de Marseille, le best-of chez Paris Gramme. Marseille, plaque tournante de la mode derrière Paris. Isabelle Lefort, notre Miss Mode, vous racontera les histoires et les marques qui comptent. Enfin, Marseille, la gastronome, avec un nouveau chef dont on va entendre parler, celui de l'Hôtel Dieu Intercontinental qui vient d'ouvrir ses portes et le chef s'appelle Lionel Lévy. Après ce petit bain de soleil, retour à Paris dans l'agitation des ateliers de couture parisiens. La semaine de la haute couture débute le 1er juillet prochain. Elle durera à peine 4 ou 5 jours et 3 créateurs viendront nous raconter ces moments d'excitation et de création. Christophe Joss, Yikin Yin et Alexis Mabille. Mais pour l'heure, nos coups de cœur et nos coups de griffe de la semaine. Goût de luxe sur BFM Business. Ajoutez une étoile à votre week-end. Emmanuel. Un coup de cœur pour un ouvrage. Très bien. Un livre peut-être inattendu dans ses goûts de luxe, et pourtant, ça s'appelle Alain Pacadis, itinéraire d'un dandy punk, signé Alexis Bernier, François Bruot, aux petites maisons d'édition Le Mot et le Reste. Pourquoi? Bien parce que Alain Pacadis, pour certains, on l'a peut-être oublié, pour d'autres, vous ne connaissez pas. Alain Pacadis, c'est ce qu'on a appelé le dernier, peut-être le seul, des dandy punk. C'est-à-dire du côté des années 70-80. Il a tenu des chroniques pour pas mal de journaux, Libération, mais pas seulement, Façade, Playboy, avec un ton qui était véritablement bien à lui, à la limite d'ailleurs d'une certaine écriture frontale. Même Serge Julie, le rédacteur en chef et le directeur de Libération à l'époque, a presque failli arrêter la chronique, tant il avait un style bien particulier. Mais surtout Pacadis, il a raconté 70-80, beaucoup des nuits parisiennes et puis de la création qui l'accompagnait. Effectivement, la musique, la littérature, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'il a pu donner du sens à ce qu'on a appelé à l'époque la branchitude et montrer que derrière tout ce monde-là, interlope, il y avait beaucoup de créateurs. Alors bien sûr, il savait séparer le bon grain de l'ivraie. Il a accompagné quelques grandes figures qui aujourd'hui sont reconnues. Alors bien sûr, à sa manière, un peu Andy Warhol qui était déjà bien installé, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'il a donné aussi ses lettres de noblesse, à la nuit, à la nocturne, au nightclubbing, une écriture assez étonnante, magnifique, et un personnage qui est disparu, bien évidemment, toujours trop tôt, quoique c'était, à mon avis, un suicide bien involontaire. Mais il y a des vivants, ou des morts plutôt, bien vivants plus les vivants, Pacadis pardit cela, le bouquin est très bien écrit, c'est toute une période et tout un personnage, et je crois que ça participe aussi d'une certaine idée de ce qu'on appelle la tendance quand elle a du sens. Allez, puisqu'on va aller dans le sud, et puisque le festival de Cannes est terminé, c'est le moment là, sur cette parenthèse avant les grandes vacances, de retourner y faire un tour. Je vous emmène à Cannes, au Majestic. Il a inauguré un spa My Blend by Clarins, 450 mètres carrés, tout en lumière naturelle. On sait que c'est important. Ras-le-bol de ces spas spa souterrain, donc et qui propose jusqu'au 15 juin, donc vous avez encore un peu de temps, dans l'une des 5 cabines, 2 soins inédits pour vous y croire, tapis rouge et montée des marches. Et alors le comble du luxe, c'est que la salle de relaxation possède une bibliothèque consacrée au cinéma, donc pour joindre l'utile à l'agréable, au Majestic Barrière, évidemment c'est boulevard de la Croisette à Cannes. Et autre petite adresse, je vous en ai déjà donné pas mal, mais comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour aller vous balader à Saint-Tropez. La maison Rabbi Kérouze célèbre les beaux jours avec une boutique éphémère dans la cité. Le créateur libanais, il présente des paréos, des pacheminas et des petites pochettes en édition limitée. Bref, tout ce qu'il faut pour Saint-Tropez. Et c'est 37 rue Gambetta. Allez, des nouvelles de ces chefs, vous savez, qui n'en finissent plus d'essaimer. Parmi ceux-là, bien évidemment, Alain Ducasse. Alors Alain Ducasse, en ce moment, il a la tête du côté des États-Unis. Alors il avait déjà 3 restaurants. Il avait le Benoît à New York, qui est un petit peu la version new-yorkaise du bistrot Benoît parisien. Il avait le Mix à Las Vegas. Il avait l'Adour à Washington. Et là, il va inaugurer dans les prochains jours à Yonkers. Vous savez Yonkers ? Non. C'est dans l'État de New York, à l'intérieur d'un casino, l'Empire City Casino. Il vient ouvrir un restaurant. Alors le concept, on est dans le tapas haut de gamme, mais version basque. Allez, on ne finit pas, Ducasse, de convertir les papilles internationales à nos terroirs. Ce sera donc à l'intérieur de ce casino totalement rénové, avec une cuisine ouverte. Ouverte sur combien de places ? 250. Parfait. Voilà. Alors moi, je vous emmène voyager. Oui, on a tous envie d'aller à Yonkers. Mais bien sûr, tous. Ben voilà. Mais enfin, c'est moi je vous emmène dans l'Ars international. Je vous emmène dans la brousse ardéchoise. Ben c'est ça, good luck. Si le Sahara vous fait peur, faut dire qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Eh bien, en Ardèche, ils ont trouvé le truc. Il y a le campement Tamana. Et alors, c'est véritablement des hommes en bleu, des Touaregs qui se sont installés et ils vous servent le thé comme là-bas. Et ça ne s'invente pas. Le petit village, c'est le petit village de Bidon. Et donc, il y a le campement. Alors, il y a évidemment la petite cérémonie des 3T. Il y a les douches solaires. Déjà, c'est un grand luxe. Le matin, le petit-déj aux saveurs africaines avec la confiture de dattes. Alors, en revanche, effectivement, la journée, vous n'allez pas vous balader dans le Sahara, mais vous avez les réjouissances de la région, la grotte de Chauvet ou de la Vendorniac, un musée de la lavande ou une ferme aux crocodiles. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez rigolo, ces points Afrique développement qui, d'habitude, s'installent dans le Sahara. Donc, ils ont trouvé une alternative puisque c'est un petit peu compliqué. Eh bien, vous allez au Tamana en Ardèche. Très bien. Donc Paris, Cannes, Saint-Tropez, Marseille, Yonkers et Bidon. Franchement, sincèrement, on voyage. Rapidement, il avait lieu la semaine dernière, à Paris, c'était le salon Cocktail Spirit. Vous l'avez loupé, c'est pas très grave. On en parle régulièrement, au moins une fois par an, vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ça donne l'occasion, ce salon, à la sortie d'une revue qui s'appelle Cocktail Spirit, justement, la revue des cocktails et des spiritueux. On est au-delà de la revue, hein. C'est une annuelle, on est quasiment dans l'ouvrage, dans le beau livre. À chaque fois, une thématique autour d'un alcool qui nous mène loin et longtemps, d'abord et surtout dans l'histoire, dans les géographies, dans les cultures. Le premier opus de Cocktail Spirit, vous vous souvenez sûrement, c'était autour du gin. Le second, c'était autour du whisky. Et le numéro 3 est dédié à quel alcool ? Je ne sais pas. Au cognac. Ah bah oui. Cognac, Armagnac. Alors bien évidemment, avec là encore des sagas, des coulisses, une très belle mise en page, beaucoup de photos d'archives et puis aussi des idées de cocktails toutes neuves réalisées par les meilleurs faiseurs de la planète. Un guide des plus beaux bars à cognac à travers le monde. Et bien, vous savez où il se trouve ? En France. Bah non. Eh ben non. Même pas au Japon, certainement en pas Chine. En Chine, c'est encore nos amis les Anglais qui signent les plus beaux bars du genre. Et puis il y a tout un chapitre tout de même dédié à l'absinthe, mais j'en dirai pas plus. Et tout ceci à consommer avec modération, bien entendu. Oui, pour le cocktail spirit, 14 euros. Très bien, un beau. Alors, il est bien, non, c'est vraiment bien réussi. Il pourrait le vendre comme un MOOC, un magabook, comme on dit aujourd'hui, mais c'est véritablement une belle revue en tout cas. Allez, une dernière petite chose, un DVD. C'est pas si souvent qu'on parle de DVD, mais là c'est assez étonnant. Ça s'appelle Masters of Dreams. Je vous traduis, les maîtres du rêve. C'est mieux. En tout cas, Bulgari, Boucheron, Chaumet, Damiani, etc. Tous les noms prestigieux de la haute joaillerie sont réunis dans ce DVD. En fait, ils sont allés tourner durant un an dans ces grandes maisons en France, mais pas seulement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de maisons françaises, mais aussi en Italie, en Suisse, même en Angleterre ou encore en Afrique du Sud. Il y a des documentaires regroupés dans un DVD qu'on retrouve, par exemple, Graph Diamonds. On retrouve aussi Verdura, des marques qu'on connaît moins. En tout cas, un beau DVD à offrir, ça s'appelle Les Maîtres du Rêve. Peut-être à offrir pour la fête des pères bientôt, comme ça, pour donner des idées à monsieur. Ah, la vacherie. La vacherie. Allez. Une dernière chose. Allez, un petit livre là. Oui. Je vous vois. C'est vous qui l'avez. Ah, les éditions bon, de. On en parle régulièrement, encore une fois, peut-être, non? Oui, les éditions de L'Épure, le dernier ouvrage des desserts, pas très catholique, de Prosper Kodak. Alors ça, ça sent le faux nom à plein nez, hein. Ça sent, en tout cas, c'est le dernier ouvrage. Et puis sinon, vous avez dans la série 10 façons de préparer. On avait parlé, bien sûr, de 10 façons de préparer l'excès, mais il y a aussi la violette de Laurence Kellin, l'ortie de Véronique Chapacou, le sucre d'Anne Daguin, la rhubarbe de Véronique Malin et la langoustine de Gwenaëlle Le Houerou et tout ça. Ça, c'est aux éditions de L'Épure. Allez, on fait une petite pause sur BFM Business et on s'embarque pour Marseille. Allez, une petite visite. Vous allez voir la cité phocéenne regorge de coins secrets et de richesses. Des goûts de luxe marseillais cette semaine. Et oui, Marseille, capitale européenne de la culture pour 2013. Cette semaine a été inauguré le musée des civilisations européennes et méditerranéennes. Alors, notre guide pour cette visite de Marseille, c'est Marion Cressman. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Marion Cressman, vous avez sorti deux guides, notamment Marseille, le best-of qui vient de sortir aux éditions Les Beaux Jours Parigramme. Et vous aviez aussi sorti Les Meilleurs Restos de Marseille. Autant vous dire que Marseille, ça vous connaît. Mais si aujourd'hui on fait un petit tour, on a vraiment l'impression que Marseille, qui était déjà bien dynamique, là ces derniers mois a connu une accélération en termes d'adresses, de lieux incontournables assez incroyable. Oui, oui, absolument. Le visage de Marseille a changé, ne serait-ce que son architecture. Peut-être que des gens qui ne sont pas venus depuis 2 ou 3 ans à Marseille reviendraient aujourd'hui et reconnaîtraient pas. Le vieux port aujourd'hui est semi-piétonnier, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 6 mois. Et puis, comme vous le disiez, le Mucem ouvre ses portes. À côté du Mucem, il y a la Villa Méditerranée, qui est un bâtiment qui est sorti de terre cette année. En face, le musée Regard de Provence, qui est aussi l'ancienne station sanitaire, qui a été complètement réhabilitée. Donc rien que ce coin-là, qui est au bout du Vieux-Port, entre la Joliette et le Vieux-Port, c'est absolument complètement transfiguré et transformé. Et c'est vrai que ça donne complètement un autre visage à Marseille. Alors c'est un peu tôt, bien sûr, pour en parler, mais est-ce que vous avez déjà, vous, le sentiment, en tant que Marseillaise, que du côté des vrais Marseillais, ceux qui la vivent au quotidien, eux aussi, ils appréhendent ce changement? Est-ce qu'il y a comment ils le vivent, ce changement de leur ville? Parce que vous le dites, hein, c'est véritablement quasiment un changement de physionomie, quelque part. En tout cas, il y a un toilettage complet. Alors peut-être qu'on demande à voir, parce qu'on trouve qu'effectivement, c'est vrai que la ville a été un peu, c'était compliqué de circuler dans la ville, parce que c'est vrai qu'on est encore même dans les travaux du tramway, qu'il y a une partie qui a été enfin réalisée, mais une autre partie sur la rue de Rome qui continue. Il y a eu tous ces gros travaux où on nous a promis beaucoup de choses. En fait, on attend beaucoup de cette capitale européenne de l'agriculture qui, même si elle a commencé en janvier, finalement, c'est maintenant que commencent vraiment les festivités. Et donc, on se dit que voilà, c'est plein de choses qui se passent et qu'on espère que ça va vraiment perdurer au-delà de l'année capitale, qu'on va continuer à attirer des touristes et à être une ville qu'on visite en vacances et tout le temps même. Voilà. Alors parmi sans doute les lieux qui vont perdurer, en tout cas les nouveaux lieux à découvrir, le toit finalement le plus design de Marseille, c'est le MAMO. Alors le MAMO, oui, c'est une référence au MoMA aux États-Unis, à New York. C'est le designer Ora Ito, en fait, qui a décidé d'investir les lieux et le toit de la Cité Radieuse. C'est en fait le gros paquebot qui a été construit par Le Corbusier au Prado. Finalement, il a racheté une partie du toit et il en fait, alors pour l'instant on l'a pas encore vu parce que c'est en train d'ouvrir ses portes là encore, hein, c'est encore un projet dont on a parlé et on demande à voir, mais en tout cas ça a l'air très prometteur parce que pour une fois Ora Ito, qui est donc un designer, devient commanditaire et c'est lui qui va demander à des des artistes de venir en résidence sur ce toit de la Cité Radieuse, qui est un endroit absolument mythique et qui va faire revivre probablement à Marseille. Et c'est vrai qu'en dessous, au troisième étage de la Cité Radieuse, il y a un excellent restaurant. Donc voilà, ça va peut-être créer une vie dans cette Cité Radieuse qui est par ailleurs un des monuments les plus visités déjà à Marseille. Et alors, juste une petite chose, pardon, c'est l'exposition de Xavier Veillon pour commencer. Oui. Voilà, alors il ouvre avec Xavier Veillon, ça a été voilà, c'est l'un des artistes français les plus cotés du moment. On rappelle quand même que le designer Raito est un régional de l'étape, hein. Il est né, il est marseillais. Oui, c'est vrai qu'il a ses racines à Marseille, c'est pour ça qu'il a été tellement attiré quand il a su qu'il pouvait éventuellement investir les lieux. Donc je crois même qu'il s'est séparé d'une partie de sa collection d'art contemporain qu'il avait pour pouvoir acheter ce lieu. Alors Marseille, on sait peut-être davantage et aussi connu pour ses marques de mode, on y reviendra dans un instant avec Isabelle Lefort, notre chroniqueuse mode, mais aussi donc pour l'architecture désormais, le design et l'art. Il y a une galerie qui est presque une galerie new-yorkaise aujourd'hui à Marseille. Oui, voilà, c'est une galerie d'un breton en fait, qui s'appelle Gouvernec Ogor, et qui a ouvert une galerie. Il fallait l'oser, hein, parce que il s'est mis près de la Porte d'Aix, qui est un quartier qui n'a pas forcément bonne réputation et qui est encore pour l'instant à défricher. Mais lui, il a réhabilité un ancien garage de 200 mètres carrés. Il en a fait un lieu épuré, blanc. Il suit des artistes extrêmement modernes et intéressants venus de partout. Et voilà, et il mise sur ce quartier parce qu'il se dit qu'il est finalement dans le triangle d'or du nouveau Marseille qu'on espère tant. Il n'est pas loin de la gare Saint-Charles. Il n'est pas loin du nouveau FRAC, qui lui aussi est un nouveau monument qui vient d'être reconstruit pour exposer des collections d'œuvres de jeunes artistes voilà, à la Joliette. Donc tout ça est en train de changer, et ce jeune galeriste qui a vraiment été chez les plus grands galeristes avant, hein, je veux dire, il vient de Paris, voilà, il a été chez Roger Pellas ou chez Yvon Lambert à Paris, et voilà, il a tout misé là-dessus, et donc aujourd'hui il a de belles choses à proposer. Et toujours dans l'art, il y a une nouvelle salle des ventes aussi, enfin en tout cas la meilleure salle de vente, pour comprendre que finalement le marché de l'art se passe justement aussi à Marseille. Oui, c'est un commissaire-priseur qui a justement complètement dépoussiéré les salles des ventes qui avant étaient sans beaucoup d'énergie de mon point de vue. Il s'appelle Damien Leclerc et il a investi lui aussi un lieu qu'il a refait à son image, un lieu, un espèce de loft comme ça en plein centre-ville, très moderne, très stylé. Et c'est quelqu'un qui a réussi très bien ce qu'il fait, puisque cette année il a vendu une peinture de Fra Angelico et un panneau de Fra Angelico et une sculpture de Rodin, et le tout je crois pour près d'un million d'euros. Donc il se passe des choses dans l'art à Marseille, il se passe des choses dans le marché de l'art aussi à Marseille. C'est pas qu'une ville de province. Tout à fait, mais on parle tout de même aussi, on l'a pas évoqué, au moins d'un mot, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, dessiné, architecturé par Rudy Ricciotti, là encore un régional de l'étape, lui aussi une sacrée physionomie. Alors le décrire c'est peut-être un peu délicat, mais qu'est-ce qu'il apporte lui aussi aujourd'hui d'ores et déjà comme j'allais dire comme énergie, comme élan supplémentaire à Marseille? Alors le décrire, il n'est pas encore ouvert au public. Moi je l'ai vu ce matin, c'est vrai que c'est un mouchard habillé devant une espèce de coque en béton comme ça qui est absolument splendide et qu'on voit quand on arrive à Marseille et qu'on voit à peu près de partout, dès qu'on arrive près de la Joliette, etc. Donc il change là aussi la physionomie de Marseille. On attend beaucoup de ces collections qui vont être de grande qualité. Vous êtes sociétal. Et puis normalement, là d'ici quelques jours, Gérald Passeda, notre chef 3 étoiles, qui a donc le Petit Nice à Marseille, va ouvrir une table au MUCEM donc d'ici quelques jours, et donc ça va être un grand chef dans un grand musée à Marseille. On le voit à chaque fois, hein, chacun de ces lieux, que ce soit les musées, les centres d'exposition, les centres culturels, ils sont très transversaux. C'est toujours des carrefours, des restaurants, des lieux qui sont très interactifs, bien sûr, des expositions permanentes ou itinérantes. C'est aussi ça peut-être l'idée et la ligne de fuite de cette capitale européenne de la culture, c'est qu'un Marseille qui soit toujours dans l'énergie, dans le mouvement. tous les jours dans l'énergie, dans le mouvement, et peut-être réaffirmer une fois de plus que Marseille est un point central dans la Méditerranée, et donc qu'elle vit des influences, qu'elle les reçoit, et que ces nouveaux lieux sont là aussi pour faire vivre cette influence du pourtour méditerranéen. Et c'est notamment la vocation de la Villa Méditerranée qui a été construite par l'architecte Boëri, qui est un lieu justement qui doit recevoir des conférences, tout ce qui nous vient de nos voisins qui sont finalement très très proches de nous. Alors, avant de parler de gastronomie, d'ailleurs, on y reviendra peut-être plutôt avec le chef Lionel Lévy tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des grands hôtels, justement, on parlera de l'Hôtel Dieu. Le Sofitel, maintenant, on a 3-5 étoiles à Marseille. Le Sofitel, et puis il y a eu le Mama Shelter, on en a parlé aussi. Et puis il y a des chambres d'hôtes encore assez étonnantes, Marion Kreuzmann. Alors il y a des chambres d'hôtes, oui effectivement, il y a plein d'endroits où passer un petit week-end et pas trop cher à Marseille. Il y en a une que j'aime bien qui s'appelle Au Vieux Panier, parce que c'est une chambre d'hôtes qui a été réhabilitée donc dans ce quartier qui reste encore très populaire. Et les gens en ont fait quelque chose de très convivial, et chaque chambre est unique et a été décorée par un artiste. Donc chaque chambre est finalement, c'est comme dormir un peu dans une œuvre d'art. Voilà, et puis il y a une table d'hôte très sympathique, on y mange bien, et c'est vraiment très joli, fait avec goût, et encore une fois dans un quartier très populaire où on ne s'attendrait pas à voir quelque chose comme ça, à tester. Alors vous qui connaissez bien la ville, là, si on a un week-end, 48 heures, pour pratiquer Marseille, c'est une ville de quartier, c'est une ville de village Marseille, par où vraiment il faudrait commencer, et puis par où il faudrait s'aventurer pour ne pas rester simplement, ma foi, à tourner autour du Vieux-Port. Quels sont vraiment les quartiers qui sont à la pointe? Comme vous dites, de villages, c'est 111 villages, Marseille. Donc c'est pour ça que c'est une ville qui est extrêmement étendue, bien plus que Paris, même si elle est bien moins peuplée. Bon, il faudra pas manquer quand même le centre-ville, c'est là où il se passe beaucoup de choses, mais il faut aussi aller voir la nature, parce qu'on est une ville qui est et urbaine et pleine de nature, donc rien que d'aller du côté des Goudes et d'aller voir le petit port de pêche des Goudes, ou même bien plus proche, les rochers de Malmousque qui sont quasiment à côté du centre-ville, et là vous pouvez vous baigner tout en ayant pris le bus, enfin si vous voulez, c'est la nature est vraiment à portée de main. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il faut aller voir le cours Julien, où il y a plein de restos, où ça vit la nuit, ça vit le jour, où il y a plein d'artistes. Et puis le mieux, vous savez, Marion Kreuzmann, c'est qu'on achète vos guides. Le dernier, Marseille, le best-of, sorti aux éditions Les Beaux Jours Paris Gramme. Et puis il y avait aussi les meilleurs restos de Marseille aux mêmes éditions, et vous retrouvez ces guides. Et puis quand ce qui concerne les restaurants, on en reparlera dans un instant dans Good Luxe. Marion Kreuzmann, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, on reste à Marseille, on parle mode et gastronomie donc. Et les Goûts de Luxe avec la Saint, on est à Marseille. Isabelle Lefort, vous êtes allée à Marseille, bonjour. Notre Miss Mode. Ah, il faut bien commencer un peu. Qu'est-ce que vous êtes allée faire à Marseille? Eh bien écoutez, cela faisait très longtemps que Marseille en fait avait envie que je descende un petit peu et que j'arrête de jouer ma parisienne idiote et inculte pour m'intéresser à ce qui se passe dans cette grande ville, dans cette métropole du Sud qui est véritablement une porte sur la Méditerranée. Et voilà, et Marilyn Bellieu-Vigouroux qui est l'une des grandes figures de Marseille, en particulier pour la mode, puisque c'est elle qui depuis plus de 20 ans a lancé le musée de la mode et a impulsé a impulsé véritablement la mode sur Marseille. Eh bien, elle m'a invitée et j'ai passé quelques temps là-bas. Et donc, vous êtes devenue un collab sur le sujet? Presque. Sur Marseille et sur la mode. Oui, parce que justement, dans le cadre de cette cité européenne de la culture ou capitale, je ne sais déjà plus, comme vous le dites également, porte de la Méditerranée, on s'aperçoit que l'un des grands temps forts va être orchestré autour de la mode et des liaisons entre Marseille et la mode qui sont pas neuves, et puis surtout aujourd'hui, qui continuent, qui perdurent, qui vont être animées à travers des expositions à Mont-Calais. Détail des opérations. Alors, je vous raconte tout ça. En fait, effectivement, Marseille a une très grande histoire de la mode. On l'oublie un peu, mais c'est véritable. C'est-à-dire que ça a commencé... c'est lié au trafic des bateaux, bien portuaire, évidemment. En particulier des importations des Indiennes. Vous savez, ces cotonnades qui venaient donc d'Orient et qui ont commencé dès le XVIIe siècle. Et donc, Marseille s'est développée autour de ça. Ensuite, il y a eu Colbert qui a fait de Marseille un port franc. Donc, toute une culture de la mode s'est implantée. Ensuite, Isabelle, mais c'est une culture du tissu. Après le tissu, il faut savoir faire quelque chose. Eh oui, mais à partir de là, c'est toutes les communautés d'immigrés qui arrivent. Il va y avoir les Italiens, il va y avoir les Arméniens, les Espagnols, les Russes, etc. Chaque communauté qui arrive, une des manières de se développer et de faire du business, c'est de créer un petit atelier. Et donc, à partir de cette tradition d'atelier, aujourd'hui, à Marseille et dans sa région, vous avez un tissu d'entreprise qui réalise plus d'un milliard de chiffres d'affaires et qui emploie à l'intérieur même de Marseille. Alors certes, c'est deux fois plus grand que Paris, hein, Marseille, il ne faut jamais l'oublier, mais c'est 10 000 personnes qui travaillent en direct pour la mode et autour, c'est 20 000 personnes. Et avec, moi j'ai interviewé à peu près 70 marques qui se développent, etc. sur place et avec des entreprises absolument remarquables, un style. Alors, bien évidemment, par rapport à la parisienne, un peu stupide, on va dire oui, mais c'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps parisien. Effectivement, à Marseille, il fait moins gris. On est moins sur le côté un peu strict, etc. On va avoir une mode qui va être plus colorée, plus méditerranéenne, plus métissée aussi. On n'hésite pas à jouer avec les imprimés, les couleurs, etc. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Et encore, on y reviendra, puisque certaines marques, de toute façon, se développent à l'international. Énormément. Donc, elles ne sont pas que implantées que localement et elles ont une véritable vision globale. Peut-on dire. Donc, si on reprend, vous nous parliez tout à l'heure de ce fameux musée de la mode. Musée de la mode, il a, bon, pour des raisons diverses et variées, il a évolué, il est devenu une maison méditerranéenne de la mode. Et il y a, en fait, toute l'idée et le projet qui est né autour de comment inscrire la mode dans l'année capitale culturelle européenne 2013, a été de dire, préparons tout un travail autour de la Méditerranée. Car Marseille, c'est la porte du Sud. Enfin, pour des raisons extrêmement simple, hein, géographique. Vous savez, quand vous avez le port de Marseille, Marseille, c'est une petite enclave coincée entre la mer et les massifs rocheux derrière. Donc, elle est tournée vers le sud. Et donc, la Méditerranée est extrêmement importante. Donc, de là, ils ont eu l'idée d'inviter pendant 3 ans des créateurs venus de l'ensemble du pourtour méditerranéen, Liban, Turquie, Maroc, Tunisie, etc. Et également de les faire, donc, d'accompagner ces jeunes créateurs, à la fois avec des experts, des gens du business, des médias, etc., pour les aider à se développer et à se fortifier. Et idem avec des créateurs marseillais, donc des gens comme Nantala, etc., ont énormément bénéficié de cela pour non seulement développer leur business et pas uniquement local, quasiment aucun n'est local, hein. Ils sont tous en train de conquérir les pays étrangers, en particulier à Paris, on regarde pas Marseille, mais parce qu'on est snob, idiot, etc. et tourné et nombriliste. Voilà, merci le jacobinisme. Bon, allez, merci les Parisiens, quoi. Voilà, merci les Parisiens. Mais par exemple, dans les grands salons, c'est les Japonais qui regardent les marques marseillaises. C'est ça ce qu'on ne sait pas. Une manière donc de Villa Médicis dédiée à la mode. Absolument. Donc une villa. Absolument. Et donc, en fait, après ces 3 années de travail, l'historienne Catherine Orman, qui est une historienne qui est très associée depuis le début de la création du musée de la mode à Marseille, a développé avec le vidéaste et artiste Marc Blesinger toute une exposition donc qui aura lieu du 2 juillet à la fin août au 5e étage des Galeries Lafayette, 19 août pour être tout à fait précis. Galeries Lafayette de Marseille. Bien évidemment, bien évidemment. Et c'est typique d'une Parisienne. Voilà, et non, du Limousin. Excusez-moi, je rectifie quand même. À partir de cette exposition, il y aura un MOOC, donc un magazine livre, qui va raconter en fait à la fois cette histoire, mais également le parcours de ces différents créateurs, qu'ils soient marseillais ou qu'ils soient méditerranéens. Et on a passé, alors pour la petite anecdote, on a passé plus de 10 jours avec un photographe qui s'appelle Ferrante Ferranti, qui a d'ailleurs en même temps une grande exposition, sa première rétrospective à la maison européenne de la photographie. On a passé 10 jours à Marseille à photographier les Marseillais dans la rue. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire au bon sens du terme. C'est pas du tout péjoratif, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vivacité et une créativité. Les gens n'ont pas peur. Ils vivent dans la rue. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup, alors que les Marseillais n'aiment pas quand je la dis tout le temps, mais il y a un terme. On était un jour avec un chauffeur de taxi. Il nous dit « Ouais, mais ici, tout le monde s'habille. On s'habille avec les marques. Parce que ça, ne pas s'habiller avec une marque, t'aimes pas cool. » Alors je dis, mais c'est quoi un pas cool? Alors pas cool, hein? En fait, c'était les péquenauds, c'est-à-dire c'était ces paysans qui arrivaient à la ville et qui savaient pas s'habiller. Or, à Marseille, même les poissonnières, même parce que les gens qui étaient sur les docks, tout le monde s'habillait avec ces tissus, etc. Donc la boucle est un peu comme ça. Un vrai street style. Quand on sait aujourd'hui l'importance de ce mot et de cette espèce dynamique de la mode de rue, à Marseille, ça a l'air d'être véritablement une culture. Alors, quelques noms quand même de ces créateurs marseillais. Alors, on fait un peu le tour des marques de Alors, dans les grandes marques historiques, dans les très vieilles marques, vous avez Soulé Yado qui date du 18e siècle, vous avez les Olivades qui datent du 18e siècle, 19e, pardon, excusez-moi. Et ensuite, dans les années 70, vous avez une marque, le groupe Garella, dirigé par Jean-Brice Garella, qui est une très belle réussite, pareil. Alors, c'est une société dont on ne parle jamais à Paris, mais sauf qu'elle fait un chiffre d'affaires formidable et qu'à l'international, elle cartonne. Vous avez une marque, alors plus récemment, beaucoup sont nés après les années 80, donc on a beaucoup de jeans, vous vous souvenez de l'origine de Guess, etc. Mais vous avez American Vintage qui s'est énormément développé. Vous avez Hero 7 aujourd'hui qui fonctionne très très bien. Et puis Caporal, bien évidemment, Reiko avec leurs jeans colorés, etc. Près du corps pour les femmes, ça fait un carton. Mais vous avez aussi une marque qui est très très jolie, qui est Sessoun, alors qui est peut-être la marque que les Parisiens, dont les Parisiens s'en tichent, etc. Parce que il y a des stylistes marseillaises installées à Paris dans des grands magazines, etc. Qui ont notamment porté un peu le style. Mais Sessoun cartonne. Emma François a fait un travail absolument remarquable. Et pareil, ils ne parlent pas d'eux, ils travaillent. Parce que l'un des points communs quand même, c'est que ces sociétés, c'est des énormes bosseurs. On dit toujours le Sud, on ne bosse pas, ta. Et c'est le paradoxe marseillais, là encore, on pense toujours, vous savez, aux Marseillais avec la tchatche, la galéjade, le côté très exubérant, je parle avec les mains, et dans le même temps, regardez la discrétion de pas mal de leurs créateurs, mais on pourrait le calquer sur pas mal aussi d'univers, notamment la restauration, on va y revenir dans quelques instants, il y a pas mal de grands chefs, mais dans la discrétion. C'est le paradoxe marseillais, là où on les attendrait exubérants, en grande gueule, et bien pas du tout, ils sont dans la discrétion, et c'est peut-être effectivement une espèce de miroir qui tend à Paris. Et pardon, mais c'est tout à fait juste, parce que là où les autres secteurs, les autres villes de province de mode se sont quand même toutes cassées la figure, moins 10% à Paris sur les 20 dernières années, eux, ils sont simplement à moins 3%. Mais pourquoi ? Parce que ce gros tissu de petites PME, elles sont flexibles, elles bossent énormément, et elles ont compris qu'il fallait fabriquer à l'étranger, mais pas n'importe où, c'est-à-dire qu'ils fabriquent essentiellement dans le bassin méditerranéen. Donc, ils peuvent aller très vite, ils ont des clientèles et des fournisseurs qui sont très très proches, donc ça cartonne. Et c'est le seul secteur de la mode en France qui est résisté. Donc, là où on dit toujours le Made in France, etc., c'est terminé. Non, allez faire un petit tour à Marseille. Vous le disiez tout à l'heure, Isabelle, ils ont une véritable audace tout en ayant la fierté, finalement, d'appartenance à la cité phocéenne. Ah, complètement. Alors, vous faites très bien, parce qu'il y a une marque que j'allais oublier de citer, qui est Gaz Bijoux. Alors, Gaz Bijoux, c'est une entreprise classée patrimoine vivant qui est installée à Marseille et qui fabrique essentiellement à partir de pierres précieuses. C'est fait à la main. Et leur grande fierté, c'est de travailler sous une verrière à Marseille. Mais tous vous racontent. Alors, il y a des marques qui se développent avec le petit côté marseillais, etc. Mais fondamentalement, il faut ne jamais oublier cet héritage des anciennes communautés qui sont arrivées, ces Arméniens. Enfin, là encore, c'est une ville portuaire, mais une ville portuaire accueille et et expédie. Marseille, avec tout ce que ça représente, depuis le 19e siècle, c'est une des cités qui a toujours été extrêmement cosmopolite. Mmh. Et voilà, sa richesse, c'est aussi là. On a les mauvais côtés de Marseille par moment, mais n'oublions pas, Marseille, c'est 100 villages, c'est 2 fois plus grand que Paris, et à côté de ça, il y a des tas de gens qui font un travail absolument remarquable. Allez, on en cite encore quelques-unes. Le Temps des Cerises, par exemple, Chacoc, Caporal, je ne sais pas, la marque Reiko, etc. Reiko. Absolument très très bien, il y a Culte aussi, mais vous en avez presque 100, donc c'est difficile de... vous avez une marque comme Home qui est encore là, vous avez... Celle que vous avez citée tout à l'heure pour les hommes Nantala. Alors ça, c'est Nantala, c'est une marque qui monte très très fort. Alors pareil, elle fait partie des lauréats qui ont été sélectionnés par la Maison Méditerranéenne de la Mode et qui seront dans l'exposition. Alors Nantala, c'est un des créateurs les plus exigeants qui soit. Ils sont en fait une bande de copains qui se sont réunis avec l'ambition de recréer un style masculin. Mais vous avez tout ce qu'on aime, la qualité, une forme de classicisme mais revisité, et une innovation, une recherche de s'ancrer dans le temps, mais dans l'air du temps d'aujourd'hui, mais beaucoup plus internationale ou méditerranéenne que uniquement parisienne. Ces gens-là ne refusent le dictat parisien, et c'est très très bien. Donc Nantalas avec un H, je crois, au milieu. Nanthalat. Voilà, okay, à découvrir sur leur site internet. Merci beaucoup. Vous y retournez là, hein, je crois. Ah ben j'y vais, oui, bien évidemment, pour l'inauguration. Avec et coton puis... maintenant pour faire des chroniques. Si vous vous appelez à Marseille, vous avez déjà un jeune voix. Isabelle Lefort, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et donc, on vous rappelle cette exposition Galerie Lafayette de Marseille, bien entendu, et puis le MOOC à découvrir dans tous les beaux lieux de Marseille. Merci beaucoup. On fait une petite pause sur BFM Business. Il y a encore une chose dont on n'a pas parlé à Marseille, la gastronomie. Bah, quand même. Des goûts de luxe dans la cité phocéenne cette semaine, Marseille, capitale culturelle européenne en 2013. Lionel Lévy, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le nouveau chef de l'Hôtel Dieu, premier 5 étoiles de la ville. Ça, c'est quelque chose, hein. Ah oui, d'être. Oui, j'ai pris le challenge, j'ai relevé le défi de prendre la responsabilité de la restauration de Intercontinental Hôtel Dieu Marseille. Oui, ça, c'est assez énorme. Alors, vous commencez tout juste, hein. Oui, à peine. On a ouvert le 3 mai. Le 3 mai. Alors, par étape en plus, parce qu'il y aura plusieurs lieux de restauration. Tout à fait. Donc là, nous avons ouvert donc évidemment l'hôtel, mais nous avons ouvert la brasserie qui s'appelle Les Fenêtres, le bar qui s'appelle Le Capian, qui est un bar où aussi on peut déguster des sandwichs et plusieurs salades, et le restaurant gastronomique Alcyone ouvrira en septembre. D'accord, à suivre. Donc je pense qu'Emmanuel ira tester ça. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, Lionel Lévy. À École Hôtelière à Toulouse, où j'ai travaillé, mon premier patron, Monsieur Gérard Garrigue, au Pastel. Ensuite, monté sur Paris, où j'ai travaillé successivement avec Yves Candebord, Éric Fréchon à La Verrière quand il avait son propre restaurant. Et puis ensuite, Monsieur Ducasse, que ce soit à Avenue Raymond Poincaré ou au Spoon, où j'étais son sous-chef. Et puis, attendez, vous n'êtes pas un chef débutant, on vient de le voir, mais vous n'êtes surtout pas un innocent à Marseille. Parce qu'avant de reprendre... Emmanuel, oui, ça fait 13 ans que je suis à, exactement. 13 ans que je suis à Marseille. Ouais. 13 ans, et vous aviez jusqu'à présent une table qui s'appelait une table au sud, avec une vue assez épatante sur le Vieux-Port. Et oui, c'est vrai que vous faites partie de cette génération qui est un petit peu à l'image d'ailleurs de la sociologie et de la gastronomie française en général et même mondiale. On sait qu'au mi-temps des années 90, début des années 2000, il y a ce monde-là, la cuisine a un peu évolué, changé. Et du côté de Marseille, c'était un peu vous le chef de file, j'allais dire, d'une cuisine un peu new look. Une table au sud, c'était une autre manière de cuisiner, surtout de cuisiner les suds, avec un plat qui était quand même, qui vous raconte, qui était un plat signature, un plat totem, c'était le milkshake de bouillabaisse. Alors, est-ce que vous allez le resservir à nouveau du côté du Sofitel, et puis surtout... De l'Intercontinental. Du Sofitel, oh là là, c'est un des gros hôtels aussi de Marseille. J'ai pas l'habitude. Généralement, on descendait au Sofitel. Maintenant, il faudra descendre à l'autre. C'est normal, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, justement, est-ce que ce plat-là, on va le retrouver? Et surtout, quel esprit vous allez donner à ce grand restaurant qu'on attend à Marseille? Est-ce qu'il y aura toujours cette idée un petit peu d'une cuisine des Suds, solaire, un petit peu vindicative, comme ça, qui bouscule les codes? Mais écoutez, Emmanuel, vous avez bien résumé la situation. C'est vrai que ça ne me rajeunit pas, mais il y a 13 ans, j'ai proposé une vision de ma cuisine, hein, mon interprétation. Et de toute façon, quand on a discuté avec Madeleine Dervoort, la directrice de l'Intercontinental, elle est pas venue chercher un chef, elle est venue chercher Lionel Lévy avec ses qualités et ses défauts, avec sa cuisine, son inspiration. Ça fait un peu de parler à la troisième personne, ça fait un peu concept, mais pas du tout. C'est que vraiment, ma vision des choses, quoi, en fait, et puis ma cuisine, mes influences méditerranéennes, et puis évidemment ce plat, le milkshake de bouillabaisse que je peux pas enlever parce que beaucoup de personnes me le demandent encore. Mais voilà, je fais ma cuisine. Alors certes, il y a des standards, hein, dans des grands hôtels comme ça, 5 étoiles, il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des salades César, il y a des clubs sandwich, il y a des hamburgers. Mais même dans ces plats-là standards qu'on propose au bar Le Capian, j'y amène une touche personnelle. Et mon hamburger, au lieu de le faire avec une sauce tomatée épicée industrielle, je la fais avec une confiture de poivron épicée avec des goûts et des saveurs du sud. Alors on l'a dit, hein, le milkshake de bouillabaisse, ça rendait hommage à Marseille, parce que Marseille c'est bien sûr ce plat totem, là encore une fois emblématique, ce plat de longue haleine, la bouillabaisse. C'est pas simplement ça la cuisine marseillaise, et puis c'est surtout un bassin méditerranéen avec cette Méditerranée qui rapporte tous ces poissons. Comment vous allez cuisiner aussi le terroir marseillais? Alors peut-être nous donner déjà quelques recettes et puis surtout quelques lignes de fuite. C'est quoi le terroir marseillais aujourd'hui, la cuisine dite marseillaise? Alors il y a plus un terroir, on va dire, provençal. Ce qui va un petit peu mettre en avant Marseille, c'est que Marseille est un port, a toujours, pendant les années passées, l'historique, été traversé par des bateaux qui arrivaient avec chargés d'épices. Donc oui, il y a beaucoup de produits, d'épices et de saveurs qui arrivent du bassin méditerranéen. Pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, on retravaille avec mon boucher ce qu'on a appelé la saucisse de Marseille. Donc c'est une base donc de cochon qui est haché avec un pourcentage de maigre et de gras, mais il y a à l'intérieur un mélange d'épices qui était une vieille recette conservée avant à Marseille, donc une vieille recette d'épices qu'on a retravaillé et remis dans cette saucisse-là. Donc, par exemple, au petit déjeuner, on sert des saucisses marseillaises, donc qui ont une saveur de fenouil, de girofle, de piment, de réglisse, tout ça qui rappelle un petit peu le bassin méditerranéen et un petit peu les trésors de la Méditerranée. Lionel Lévy, mais vous aviez votre table, une table au sud, alors que vous étiez passé par des grandes maisons. C'est pas difficile aujourd'hui, ou c'est un choix de changement de carrière, de revenir à une grande table hôtelière comme celle-ci? Ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'une personne qui s'est posé la question: pourquoi je suis passé de mon statut de patron, créateur de ma société et de mon restaurant, à employé. J'étais arrivé au bout de l'histoire, j'avais envie de passer à autre chose, et puis c'est voilà, plus confortable. Comment? C'est plus confortable? Non, c'est pas plus confortable, je peux vous le dire, parce que de s'occuper d'une brasserie de 160 personnes, un bar avec 140 places assises, les séminaires, le banqueting, le room et le gastro qui va arriver, avec plus de 50 personnes en cuisine, non, c'est pas plus confortable, mais c'est un nouveau challenge. Et puis j'avais envie de me prouver à moi-même qu'à arriver à 40 ans, on pouvait être repartir sur une nouvelle aventure et essayer d'écrire une nouvelle histoire de sa vie professionnelle, quoi, et de proposer ma vision de la cuisine du sud, mais sous différentes formules: bar, brasserie, restaurant gastronomique. Bon, de toute façon, c'est la vérité de pas mal de grands chefs contemporains. Ils ont aujourd'hui plusieurs vies, du moins plusieurs carrières. Et puis surtout, c'est vrai qu'orchestrer les tables d'une grande chaîne hôtelière, d'un grand hôtel comme l'Hôtel Dieu, c'est beaucoup de contraintes. Mais c'est aussi, il faut le reconnaître, côté gastronomie, ces grandes chaînes hôtelières, du côté des grands restaurants, ils offrent des moyens qui sont parfois très délicats et très difficiles à obtenir lorsqu'on est seul. Là, c'est vrai qu'a priori, on l'espère, et vous serez attendu au tournant de l'assiette, parce qu'il y a certainement effectivement des marées, des criées, une sourcing de produits qui fait que souvent, aujourd'hui, les grands hôtels sont les mieux fournis. C'est pas pour rien que c'est eux qui écopent la plupart des temps des grands honneurs. Oui, mais ce qui est aussi, je trouvais, moi, intéressant et intelligent, parce que quand nous sommes patrons, alors évidemment, on doit proposer le produit le mieux adapté, le plus juste, à un prix le plus intéressant, que ce soit pour l'entrepreneur ou même pour le client. Mais on fait très attention, hein, parce qu'on est aussi une entreprise économique. Et donc là, je n'ai pas non plus des moyens illimités. On n'est pas le PSG de la restauration, si vous voulez. Je suis dans l'obligation, quelque part, de rendre des comptes. Et qu'on rende des comptes à un banquier ou qu'on rende des comptes à une direction, pour moi, c'est exactement la même chose. Merci. Et d'avoir ces contraintes un petit peu, on va dire, de rentabilité, excusez-moi, ces contraintes-là, c'est intéressant, parce que ça me permet aussi d'être un petit peu plus créatif. Faire plaisir avec du turbo, du homard et du caviar, c'est on va dire un petit peu plus facile que de faire plaisir avec la sardine de Marseille, les pieds paquets que je vais revisiter, la bouillabaisse qui reste un plat populaire, et puis la saucisse de Marseille. Ouais. C'est aussi ça qui est intéressant, et je trouve que le travail du cuisinier est plus approfondi dans ce sens-là que quand on est nos limites, comme on dirait. Alors, Lionel Lévy, on rappelle rapidement quand même l'Hôtel Dieu Intercontinental. Il a fallu 7 ans de travaux pour transformer cet hôtel classé monument historique. C'est Jean-Philippe Nuel aux commandes. 194 chambres, un spa by Clarins, et donc toute la restauration dont vous avez parlé. Comme je sais que vous êtes bon camarade, Lionel Lévy, pour terminer, une petite adresse à Marseille, en attendant votre gastro, où on va se faire une bonne table. Alors, une bonne table, si vous désirez un restaurant gastronomique, vous avez l'Épuisette avec Guillaume Sourieux, donc qui est en plus vu maire au Vallon des Offes. Restaurant de poisson exceptionnel. En termes de petits bistrots un petit peu canaille, vous avez évidemment le bistrot du cours, cours Julien, qui offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la ville. Et puis je trouve que les repreneurs du restaurant que j'avais créé, une table au sud, ils s'en sortent bien, parce que mon sous-chef qui a racheté, qui a 25 ans, je trouve que c'est beau à 25 ans de relever ce défi-là. C'est pas parce que c'est mon ancien second, mais je trouve que ça, il mérite le détour. Rapidement. 10 secondes. Allez, une vraie dynamique à Marseille. On rappelle bien sûr aussi l'un des rares 3 étoiles français, Charles Passeda, le petit Nice. Vous l'avez cité, une vraie veine bistronomique. Alors on pourrait citer, je crois, encore le Café des Épiques, le Charles Livon, la Virgule. Tout à fait. Puis des adresses, j'allais dire, typiques. Une vraie pizza marseillaise. Faut pas louper, faut aller chez Étienne en plein cœur du Paris. Ça, vous allez découvrir ce que c'est que la pizza de Marseille. Lionel Lévy, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous. Donc, l'Hôtel Dieu, évidemment, il est facile à trouver en plein cœur de Marseille. On peut pas le rater. Merci beaucoup à vous et belle vie à Marseille qui nous amène un petit peu de soleil de temps en temps. Ça fait pas de mal. Restez avec nous dans la prochaine heure de Good Luxe. Retour à Paris. Nous allons découvrir les coulisses de la haute couture avec 3 jeunes et talentueux créateurs et couturiers, Christophe Joss, Yikinine et Alexis Mabille. Une heure à voir également ce soir en images à 20h sur BFM Business.